Chaque jour je mets la loud dans la snoop, je mets Vlad Siro dans la soupe, j'arrive caca en cabinet dans la soupe. 1992, dans la trappe depuis 2004. Shenzhen, j'ai la dalle négro, il me faut comme le salaire de 2004. Gardien, avec la 5 les grailles en 2-2 comme 7 en cas. Tu veux nous signer négro, allonge au moins 700 cas. J'ai la vision, elle repaye en Lamborghini. SO, les deux os, dans la féfé, je veux la Lamborghini. Vrai négro shit, négro SO, Julo. 6 ans, j'apprends à chuter, négro SO, Judo. Négro, j'ai trop d'avance, je vois plus personne dans le rétro. Laisse-moi encore un peu de temps, je te jure que je prends plus jamais le métro. Audio, drogue dure, Shenzhen, promis sur le crack, fils. Sans aucun stress, fume le track, fils. Ça pue la merde, c'est juste ralenti, je suis dans le lin. Ça me nique les reins, fuck ça tranquille, je suis dans le lin. Je roule un gros terre, je veux peser comme un notaire. Gadère, peser comme un notaire. Argent noir à fond au père pour récupérer nos terres. Pétasse, MMS, pétasse. Gadère. Je roule un gros terre, je veux peser comme un notaire. Argent noir à fond au père pour récupérer nos terres. MMS, LDO, pétasse. Galère. Je roule un gros terre, je veux peser comme un notaire. Argent noir à fond au père pour récupérer nos terres. Dira comme c'est en cas. Tu veux nous signer? Allons 700K.